Suisse Énergie. On va vers le beau. Jonas Schneider, Marc Müller. On arrive à Pomy dans le canton de Vaud, devant une sûrement une grange qui a été rénovée pour en faire une villa individuelle, non ? Ouais, exactement, c'est un petit village de campagne avec plein de granges tout autour et puis une maison qui était aménagée à l'intérieur d'une grange. Ça va très bien avec la thématique de la semaine qui est l'éco-construction et la façon dont on peut aussi améliorer la qualité du bâti. Et qu'est-ce qu'on va découvrir alors ici ? Bon, on va déjà découvrir Olivier Lyon, qui est l'architecte qui a fait cette transition, et la famille Hurlimann qui vit dans cette maison. Une maison construite, enfin transformée, avec des matériaux naturels et selon les préceptes des constructions écologiques. Pour l'instant, il y a beaucoup de bois, évidemment, parce que c'est une grange, mais c'est construit en quoi là à l'intérieur ? Ben ça on verra, hein. C'est décrépi à l'intérieur de la grange, alors, au premier coup d'œil on peut pas savoir parce qu'il y a plein de matériaux écologiques aujourd'hui qui ressemblent à des ciments, mais ça peut être tout à fait de la chaux sur de la laine de bois, on va leur poser la question, mais une maison écologique se voit pas forcément de l'extérieur. Alors on monte, ils ont une sonnette, une sonnette écologique. Une cloche, ouais. Une cloche. Attends. Ah bah tu vois, il y a une sonnette. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bonjour. Mais bonjour. On enlève les chaussures ici ? Si ça vous, si vous avez été de là... Ah ouais, ouais, ouais, ouais, il pleut dehors. On fait une semaine de chantier, on a des chaussures dégoûtantes. Ouais, alors c'est ça. Ça nous arrange. Bon alors, qui nous présente cette, cette maison ? Alors, bonjour. Yves Hurlimann, on a... Yves, vous habitez ici avec ? Avec mon épouse Floriane et deux enfants, Romain et Camille. Et ça fait combien de temps que vous habitez ici, dans cette grange ? Ça fait 7 ans, un petit peu plus, ouais, 7 ans et demi. Vous devrez apprendre, on écoutera l'architecte, bien sûr, qui nous parlera d'ici, mais vous nous présentez votre maison avec vos mots ? Alors, notre maison avec nos mots, c'est une grange qui a été rénovée, donc une grange en ossature bois qui était couverte. Et puis en fait, on a démonté un bout les bardages et puis on a reconstruit, si vous voulez, une boîte isolée à l'intérieur sans découvrir. Donc on a laissé des tuiles et puis on a construit notre habitation là-dedans. Voilà. Donc il y a quelques années, c'était une grange à l'abandon, une grange utilisée pour mettre du matériel agricole. Alors c'est, ouais, elle était vraiment utilisée pour mettre du matériel agricole. Il y avait des balles rondes, voilà, des chars, des patates. Et vous vous êtes dit, c'est là-dedans qu'il faut habiter? Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ça faisait assez longtemps qu'on cherchait un endroit pour acheter ou construire un terrain. Et puis, moi, je connaissais plusieurs personnes de la région. Et en fait, je connaissais le propriétaire de cette grange. Et il savait que je cherchais. Et puis, lui voulait vendre un bâtiment pour construire autre chose. Du coup, il m'a proposé d'acheter ça. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Comment vous avez imaginé une villa individuelle dans une grange en tant qu'architecte ? Bah c'est venu en visitant l'endroit. C'est vrai que l'objectif était de faire une habitation individuelle ici, sans forcément cette idée tout de suite. Et on s'est dit que de raser la grange pour faire une villa, c'était une option, mais que on pouvait aussi gagner de la place en récupérant la grange. La grange est tout près des limites. C'est un volume qu'on n'aurait jamais pu reconstruire aussi grand que ça. C'est les règlements induisent ça. Et puis, en discutant avec Yves et Floriane, on s'est rendu compte que ça les intéressait vraiment de venir habiter ici. C'est un hameau agricole qui a une vie. Voilà, ils connaissaient un peu des gens ici, donc ils étaient déjà intégrés un petit peu au tissu social. Et voilà, c'est un hameau qui avait son caractère. Et puis, l'idée est venue de conserver cette structure et puis de travailler dedans pour conserver aussi le caractère du lieu, du hameau agricole, de dire, ben voilà, c'est une structure qui existe, on travaille avec. Et puis, financièrement, c'était intéressant au niveau récupération, au niveau... voilà, ça s'est avéré intéressant à pas mal de points de vue, finalement. Et il y a des avantages écologiques aussi, parce que c'est un bâtiment en moins à détruire et à éliminer. Évidemment, évidemment. C'est du matériel qui est là, c'est des matériaux qui étaient bons. On a assez vite analysé la structure en disant, bah voilà, on peut garder cette... On peut garder les tuiles, on peut garder la poutraison. On a remplacé une ou deux pièces qui étaient en mauvais état. Il y a plus de place là-dedans que simplement une habitation, mais c'était aussi du volume qui était utilisable dans le futur ou tout de suite pour du stockage. Et puis voilà, il y a des idées pour le futur. Vous allez nous expliquer ça quand on fera la visite, oui. Il y a plein de gens qui doivent nous écouter là, qui se disent « Ah mais génial, moi je vais me trouver une vieille grange et puis je vais construire ma maison en cube dedans, ça va être fantastique ». Il faut quand même savoir que c'est très difficile de le faire aujourd'hui. Hein. Il y a une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire qui laisse déjà des zones agricoles aux agriculteurs qui ont beaucoup de mal à trouver assez d'espace pour eux. Et si on a une grange, c'est que dans certains cas particuliers qu'on peut agrandir un tout petit peu l'habitation, occuper la grange avec des logements, et ça dépend vraiment de la zone. Donc c'est vrai que le résultat est fantastique, mais aujourd'hui aussi, pour protéger l'agriculture, on essaie d'éviter de faire ce genre de choses là où les agriculteurs peuvent encore travailler. Oui, alors en fait, c'était convenu, on a eu le droit d'acheter cette grange parce que l'agriculteur en question réinvestissait la somme directement dans son domaine. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a pu passer, faire ça comme ça. Et puis en plus, là, la grange est en zone village, donc on n'a pas eu de soucis par rapport aux autorisations. Expliquez-nous quand même comment vous avez construit dans cette grange, parce qu'une grange à la base c'est pas tellement isolé, c'est difficile. Je vois qu'il y a Florian qui s'enfuit quand je m'en approche. Expliquez-nous comment vous avez fait pour en faire une villa confortable et pas seulement avoir l'impression d'habiter dans une grange. En fait, comme le volume est plus grand que les besoins d'une habitation, Yves a dit qu'on a construit une boîte à l'intérieur. C'est vraiment ce concept-là. On a fait une boîte entière en ossature bois qu'on a construit à l'intérieur. C'était intéressant parce que ça permettait de garder les structures et puis de travailler un petit peu entre les poteaux. L'ossature bois, on en fait pas mal aussi des constructions neuves, mais c'est des éléments qui sont construits en atelier, qui sont transportés avec des camions montés sur place. Ben là, l'entreprise, elle a construit ici. Donc, on a profité du toit pour travailler à l'abri. Donc, c'était intéressant pour l'entreprise aussi, dans le transport des matériaux, dans le transport des choses. Toutes les choses ont pu être faites sur place. Alors, cette maison, elle est construite en bois notamment. Quel autre matériau ? Ben, pas grand-chose d'autre. Il n'y a que du bois. Il y a du bois, il y a des panneaux de plâtre à l'intérieur pour recevoir des enduits. Il y a des isolants qui sont ici en laine de bois et en fibre de cellulose recyclée qui a été insufflée dans les structures. Et puis, le reste, c'est du bois. Il y a des enduits à la chaux, il y a des choses qui respirent. Voilà, presque envie de dire c'est 100% naturel, mais je crois qu'on n'est pas loin des 100%, effectivement. Une des premières choses qui frappe aussi, c'est l'architecture qui soutient aussi ça. On voit, il y a des grandes pièces porteuses en bois, des dalles en bois massif, mais aussi des grandes ouvertures entre les étages. Donc j'imagine que ça doit très bien se ventiler entre les différentes pièces, et c'est très aéré. Et puis avec des doubles hauteurs à certains endroits, on voit que la lumière rentre très très bien dans les pièces. Donc on voit aussi que l'architecture accompagne ça, c'est pas que les matériaux. Mais complètement. Et puis il y avait une volonté d'économie d'énergie. La maison a le label Minergie P, c'est le label le plus restrictif en Suisse. Donc elle est aussi conçue pour ça. C'est un volume le plus compact possible. Hein. Plus on se rapproche du cube, mieux c'est par rapport au rapport de l'enveloppe et de la surface. On a une super baie vitrée ici qui est un puits de lumière et un puits de soleil. En hiver surtout, en été, il y a un store à lamelles qui protège la vitre contre le soleil parce que là, il y en a trop. Donc c'est vraiment l'hiver. Donc vous chauffez avec la vitre, l'hiver? On chauffe avec la vitre, on pourrait chauffer qu'avec la vitre, je suis sûr. On va demander à ceux qui habitent. Florian. Oui. Ah, on entend enfin la voix de Florian. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut chauffer avec la vitre? Mais oui, on chauffe avec la vitre. Mais oui, on met des petites pantoufles, et puis comme ça va très bien. C'est impressionnant. Comment est-ce qu'on appelle ça, le fait de chauffer directement avec le soleil? Bon, c'est du solaire passif. L'idée, c'est que le soleil traverse la grande baie vitrée qui doit être orientée au sud, qui frappe le sol et chauffe le sol, et après cette chaleur, ben, elle est dissipée dans la maison. Et manifestement, ça fonctionne. Ça va très bien, oui. Et puis la maison est vraiment très ouverte. Alors voilà, vous avez deux spécialistes de la construction. Moi, je suis spécialiste des enfants en bas âge. Quand une maison est trop ouverte, c'est pas toujours non plus évident. Donc, Manu Grandis, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut penser à tout. Des fois, les architectes. Quand elle est trop ouverte sur la nature, c'est ça, c'est non, que. On... Trop ouverte. On entend les enfants partout. Si vous avez deux enfants en bas âge, ça court partout, ça chante et puis ça fait du bruit. On peut pas trop s'isoler. Il y a pas une pièce où on est au calme ici. Pas trop. Enfin, le bureau. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi comme ça que vous l'avez imaginé? Alors oui, ben en fait là vous avez autour d'une autre architecte qui est un magicien parce qu'en fait enfin on l'a trouvé et puis il nous a laissé dessiner la maison qu'on voulait. J'osais pas lui montrer ma grande baie vitrée là, j'avais un peu peur qu'il me dise non, ça va pas du tout. Alors en fait voilà, on a vraiment fait ça ensemble, c'était un travail d'équipe et c'était très très chouette de pouvoir faire sa propre maison, faire ses plans aussi et puis ouais, vraiment. On va vers le beau sur la première. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressembles à pardon. Oh, l'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit. Qu'on se réchauffe un peu, qu'on se réchauffe un peu. Est-ce que ça nous rajeunit de changer? Ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Hein, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Porte opposée, vérifiée, ceinture attachée. On rêvait du cosmos, on rêvait de prise là. Petit village de Pomy, dont on va vers le beau, on s'intéresse à l'habitat écologique et on visite une villa individuelle construite dans une grange. On parle parfois de matériaux, de murs qui sont respirants, justement, vous utilisez le terme perspirant, ils ne respirent pas les murs, mais en fait, dans toutes les maisons, il y a toujours une pression pour que l'humidité ait du chaud vers le froid. Donc si on chauffe la maison, l'humidité va chercher à sortir de la maison parce qu'elle cherche le froid quand elle est chaude. Donc il y a toujours une pression, on dit diffusion de vapeur d'eau vers l'extérieur, et effectivement, si on met des ciments à l'extérieur ou des couches étanches à l'extérieur, ça fait que l'humidité, elle ne peut pas sortir, donc elle va être dans le mur, elle risque de faire cloquer le ciment après quelques années. C'est souvent ce qui arrive quand sur des vieux murs en pierre, on met une couche de ciment extérieur, ça décolle très vite parce qu'il y a de l'humidité qui se met dessous. Et là, justement, en travaillant avec des matériaux naturels, la chaux qui est pas étanche, au contraire, laisse très bien passer l'humidité, fait que le mur s'assèche toujours. Et du coup, le mur a tendance à rester sec plus longtemps, et même si tout d'un coup il y a de l'humidité, parce que peut-être l'eau, s'il y a une grosse pluie, va peut-être rentrer plus facilement dans un matériau naturel, mais très rapidement après, il va devenir sec. Donc en fait, pour la durabilité, c'est plutôt meilleur d'avoir des matériaux naturels. Vous nous montrez l'endroit que vous préférez dans la maison ? C'est pas forcément le même, c'est pas forcément au même moment. On est voilà, la chaise longue, la terrasse, non, mais moi le potager, le jardin. voilà, l'extérieur. Puis c'est vrai que si vous êtes ici... Vous voulez nous faire sortir, en fait, c'est ça? Non, non, vous allez monter aussi. Mais vous voyez bien que quand on est ici, en fait, on est déjà dehors. Donc, on est bien dehors, oui. Mais autrement, moi, j'ai un atelier en haut qui a la vue sur la baie vitrée aussi. Enfin, si vous voulez, qui est pas fermé. C'est un lieu ouvert. Alors, je suis très bien là-haut. Ah oui, c'est que la baie vitrée, elle fait 2 étages. Ça, je n'avais pas bien vu. Hein. Oui, oui. Votre endroit préféré? Alors, dans la maison, moi, je suis très, très bien au salon, parce que c'est vrai qu'on a une vue imprenable sur un magnifique noyer, surtout au soleil couchant. C'est tous les soirs un autre tableau. Alors ça, c'est dans la maison. Puis, comme c'était une grande grange, moi, j'ai mon coin à moi. C'est un petit atelier avec des machines dehors. Donc, on a aussi profité de garder le volume pour... J'aime bien mon atelier aussi, voilà. Génial. On peut monter, on peut voir en haut à quoi ça ressemble? Pendant qu'il y a un chat, c'est le vôtre le chat ou c'est un chat furtif qui traverse le jardin? C'est le chat des voisins. Qui se permet comme ça de venir visiter la maison écologique. En fait, ici, c'est un espace ouvert parce que nous, on est une famille, on est tout le temps au projet. Donc, en fait, là-dessus, il y a encore de l'espace. Et si un jour, une fois, on a envie, ben, on peut mettre un escalier, trouer le plafond et puis continuer la maison plus haut. Ça, c'est l'avantage de la grange, c'est qu'au-dessus, il y a encore des mètres et des mètres. Oui, puis c'est une boîte, c'est fermé à l'horizontale, mais on pourrait encore habiter sous les toits. C'est sans fin. Et qu'est-ce que vous ferez là-dessus, sur le toit, alors? Mais du yoga. Comme si c'était évident. Bah oui, du yoga dans la grange, évidemment. Voilà, donc là, c'est l'espace qui reste ouvert. Donc on est vraiment, quand je vous dis, on entend partout, on est partout, ouais. Ah oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a fallu tout laisser ouvert ou laisser un maximum de pièces ouvertes? Alors, il y a plusieurs raisons. Ben, on a habité 2 ans avant d'habiter ici dans une maison très, très sombre, où on a, voilà, on s'est rendu compte que ça nous convenait pas. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir cette immense vitre et que ce soit ouvert, ça permet de laisser circuler la lumière. Et puis, cette maison, ben, elle est Minergie P. Et c'est aussi important, du coup, aussi de laisser circuler la chaleur. Donc, c'est aussi un gain d'énergie de pouvoir... Parce que la chaleur se distribue que à travers l'air. Alors, non. La chaleur, on a dû faire des compromis à la construction. Ici, on a opté finalement pour un chauffage au sol avec une chaudière à pellets qui distribue la chaleur dans les pièces avec des électrovannes, donc avec parcimonie, exactement ce qu'on a besoin partout. C'était nécessaire de passer quand même par un chauffage au sol? Question pour l'architecte. Ah, c'est pour Florian. Ah. Non, c'est vrai. C'est parce qu'on Pourquoi? Venait, mais parce qu'on venait de cette maison. On avait froid partout. On retape aussi une maison en montagne où on a froid tout le temps. Et puis moi, j'avais confiance, mais j'avais quand même souci d'avoir froid encore et toujours. Donc c'était un petit peu pour me faire passer la pilule de voilà, une maison sans chaud. J'avais le souci quand même, mais ça pourrait fonctionner sans, vraiment. Vraiment? Oui. Il y a des hivers où vous mettez pas de chauffage au sol? Mais très peu. On met très, très peu. Ouais. En fait, là, le chauffage est mis sur 16 degrés. Donc, c'est juste pour qu'il fasse pas froid. Alors, on a investi l'année passée dans un poêle à bois qui est plus décoratif que utile. Mais le premier projet de la maison, c'était sans chauffage au sol et avec un poêle central. Et là, vraiment, la chaleur qui se distribue par l'air dans toutes les pièces. Voilà, exactement. Après, si on voulait labelliser la maison Minergie P, on a dû faire des calculs. Il aurait fallu isoler plus encore la maison, alors qu'elle a déjà 35 cm d'isolation, pour pouvoir ne pas distribuer intelligemment la chaleur partout, mais d'avoir qu'un seul point central au milieu. Alors du coup, ben, on a décidé de pas isoler plus, d'investir encore plus dans l'isolation, mais d'investir plutôt dans un chauffage au sol qui permettait de distribuer la chaleur. On va vers le beau. Jonas Schneider, Marc Müller. L'amour Que faire avec une grange qui n'est plus utilisée plutôt que de la détruire? Pourquoi ne pas la transformer en habitat? C'est ce qu'on visite aujourd'hui dans le village de Pomy, dans le canton de Vaud. Marc. Mais c'est vrai que les maisons Minergie P ou équivalentes, hein, Minergie c'est grand label, enfin, c'est la physique qui compte. C'est des maisons qui sont très très bien isolées, généralement qui sont bien orientées par rapport au soleil comme vous pour une baie vitrée qui chauffe bien. Et en fait, on a aussi des apports de chaleur à l'intérieur de la maison. Donc le corps humain, quand on prend une douche, quand on fait de la cuisine, c'est aussi, ça chauffe la maison et vu qu'elle perd tellement peu d'énergie, ben, ça suffit déjà à chauffer la maison. Et c'est vrai que si on va vraiment très très loin dans le système, on pourrait presque enlever le système de chauffage. Mais après, ça dépend un petit peu du niveau de confort qu'on veut. C'est vrai que si on n'a pas peur des fois de une fois avoir 23, puis une fois avoir 21, puis c'est, voilà, s'il y a une semaine de pluie, on est plutôt à 20, 21. Puis quand il y a du beau, on est à 23. Si on peut vivre avec ça, il n'y a pas forcément besoin dans une maison comme ça de chauffage. Mais c'est vrai que souvent après, les gens disent après une année ou deux, ah, un petit radiateur de salle de bain, ce serait quand même pas mal. Ou juste un tout petit réglage de rien du tout. Et souvent, à la fin, mettre juste un ou deux petits radiateurs. Bah oui, c'est tout à fait possible de vivre dans une maison comme ça. Il faut accepter les différences de température entre les pièces. Il y a comme un petit hic, c'est les aspects légaux dans ce pays où on est un pays de normes et de règles. Et, pour respecter les normes SIA, on doit avoir 20 degrés dans toutes les pièces. Et puis ça. Sinon quoi ? Sinon on va en prison ? Ouais, ouais. Non, mais sinon. Sinon c'est pas une maison. Mais sinon c'est pas une maison, puis on peut nous reprocher de pas avoir respecté les règles constructives, quoi. Si notre client, en tant qu'architecte, notre client nous dit j'ai 18 degrés dans la chambre à coucher, ça va pas, eh ben on est déclaré coupable, c'est comme ça. Donc ça c'est un obstacle quand même important pour certaines techniques de construction. Oui, c'est vrai. Même si les gens, voilà, il y a des gens qui sont convaincus, des gens qui ne le veulent pas, mais c'est aussi une valeur de la maison. Aujourd'hui, on construit pour des gens qui habitent. Ces gens, ils vont peut-être revendre la maison après. Bah, ça peut être un obstacle aussi de pas avoir cette distribution de chaleur et puis le confort automatique qu'on veut aujourd'hui. On veut plus aujourd'hui être obligé de transporter des bûches pour chauffer sa maison. Et ça, c'est vrai que c'est le cas des maisons où les propriétaires habitent dedans, donc ils acceptent peut-être différents modes de vie, ou alors au contraire, ils se réjouissent qu'un jour de beau, la maison vive du soleil, puis que le jour de pluie fasse un peu plus frais, puis on se reconnecte à la saison. Mais c'est vrai que si un investisseur fait un bâtiment comme ça, les locataires peuvent cautionner le loyer, et s'ils ont 19,5 dans une maison, peuvent aller en procès face à un propriétaire qui louerait une maison. Ouais. Vous êtes sûr qu'il fait 20 degrés partout chez vous ? Non, parce qu'on n'est pas bien à 20 degrés. Donc... Mais vous avez maintenant le moyen de le mettre tout le temps à 20 degrés, c'est ça ? Voilà, on a le moyen de le mettre à 20 degrés, mais c'est vrai que quand on regarde la consommation d'énergie qu'on fait, nous on vit bien à 18, 19, et puis c'est réglé comme ça, là, puis ça fonctionne très bien, on consomme très très peu. Ouais. Est-ce que vous avez fait des concessions sur la durabilité dans cette maison ? Non, on a parlé du chauffage à pellets. Moi, je voulais aussi aller un petit peu plus loin. C'est vrai que c'était une volonté de dire on veut surtout pas avoir froid dans la maison parce que. Mais il y a aussi la question de la flexibilité puis de l'évolution de la maison. L'habitation maintenant, elle est construite plein sud. Elle a cette fameuse baie vitrée qui fait le chauffage qui va tout seul. Mais si un jour on a grandi derrière dans la deuxième partie de la grange, bah là on aura besoin d'un chauffage central. Donc la chaufferie, elle trouve aussi sa réalité dans cette idée que la partie chauffée peut s'agrandir un jour avec un autre volume qui a peut-être un autre usage ou autre chose. Mais du coup l'été avec cette baie vitrée, on a beaucoup trop chaud, non ? Ah non. Ah, ça, c'est magique. Non, c'est magique. En fait, l'hiver, on a assez chaud. Quand on voit nos voisins ou les gens qui arrivent chez nous, en fait, l'été, il fait frais ici. Parce que la maison est tellement bien isolée que si on ferme tout, ça garde la fraîcheur de la nuit. Mais vraiment, pas comme dans une autre maison. On ferme juste les volets. Et puis, il fait quand même chaud parce que ça tape. Et puis, je sais pas comment, là, vous pouvez, tu peux dire comment, mais nous, on a vraiment frais l'été. C'est bien. Bah oui, on appelle ça l'inertie thermique. C'est un petit peu les matériaux aussi. Je disais, il y a que du bois, c'est pas vrai. Il y a un petit peu de ciment dans l'échappe qui donne un petit peu de masse thermique et qui permet de garder autant la chaleur en hiver que le frais en été. Et on joue sur les ombrages. On a beaucoup de fenêtres qui sont ombrées par le toit, le grand avant-toit de la grange. Et puis, il y a simplement un store à lamelles, un bête store à lamelles sur la baie vitrée qui permet de bien réguler ça. Et de chauffer en hiver et de refroidir en été. Voilà. Puis le store à lamelles, il a l'avantage d'être réglable et puis on se coupe pas la vue en été quand on veut être au frais, quoi. Des fois, on dit, ah, moi, je suis bien à 20 degrés dans ma maison écologique, et beaucoup de gens disent, ah, mais c'est n'importe quoi, moi, il me faut au moins 24 degrés, sinon, je suis pas bien. Alors, voilà, typique retour en arrière de la qualité de vie. Et en fait, il y a un phénomène physique qui explique pourquoi est-ce qu'on se sent bien à 20 degrés dans une maison comme celle-ci. C'est que, on est sensible à la température, mais aussi au rayonnement. Et c'est vrai que si on a un mur qui est froid parce qu'il est mal isolé, l'intérieur du mur va être très froid en hiver, il aura peut-être 15 degrés. Et c'est ça qui fait ce petit sentiment désagréable sur la peau. On se dit, ah, il faut que je mette en pull, parce que même s'il fait chaud dans la maison, en fait, il y a ce mur froid qui rayonne, qui fait l'inverse de quand on est devant un feu de bois. Et puis, on est obligé de se chauffer plus, on est obligé de chauffer à 23, 24 dans une vieille ferme pour avoir le sentiment de confort, alors que dans une maison passive, comme celle-là, très bien isolée, à 20 degrés, on a déjà un très, très bon sentiment de chaleur, et c'est le phénomène inverse en été, c'est que les murs